Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Un monde en plastique, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a les sacs plastiques pris dans les branches des arbres qui s'agitent tristement les jours d'hiver. Et puis cette culpabilité de la jolie paille bicolore qui égayait nos grenadines et qui désormais fait s'étouffer les tortues de mer. Mais pourtant, au départ, le plastique promettait un monde meilleur. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui regarde les objets, un autre qui regarde l'économie, un historien qui raconte, des frères inventeurs, des chimistes utopistes, une philosophe de la transformation, Roland Barthes, un mari bricoleur, un collectionneur, Pompidou et Paulin. Ensuite le décor. Des laboratoires, des expérimentations, des boules de billard, de l'ivoire, la bakélite, la Belgique, du caoutchouc très chic, l'enthousiasme, la modernité, la science, la vulcanisation, des bottes et des bassines, le simili, la réclame, le gonflable et du PVC. Aujourd'hui, premier épisode, un peu de chimie. Malgré ces noms de berger grec, polystyrène, phénoplaste, polyvinyle, polyéthylène, le plastique est essentiellement une substance alchimique. D'un côté, la matière brute, tellurique, et de l'autre, l'objet parfait, humain. Ô temps, suspend ton bol, ô matière plastique. D'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? Au 19e siècle, c'est assez neutre comme terme, parce que ça désigne simplement le caractère plastique d'une matière, c'est-à-dire le fait qu'elle se moule. Manuel Charpie, historien de la culture matérielle et visuelle au CNRS. Qu'elle épouse un peu toutes les formes, enfin en gros, qu'elle n'a pas de forme prédéfinie. Du coup, le terme d'art plastique, par exemple, est assez ancien. Et tout le 19e siècle, on parle de matière plastique, mais y compris pour du plâtre, par exemple. Enfin, c'est un peu toutes les matières, on va dire, informes, qui peuvent se mouler, qui peuvent durcir, qui peuvent se transformer. Voilà. Un peu à l'opposé du bois, de matière déjà, ou de la pierre, de matière déjà faite, déjà existante. Désigne par plastique des produits à partir de macromolécules. Philippe Chalmin, historien, économiste des matières premières à l'Université de Paris-Dauphine. Donc des résines, des élastomères, des fibres artificielles. L'ancêtre du plastique, il était produit à partir d'un produit un peu plus naturel, puisque c'est un Français qui l'invente dans les années 1830, il s'appelle Braconneau, et il invente le nitrate de cellulose. Mais donc la cellulose, vous voyez, elle est produite à partir du bois. Donc on n'est pas exactement dans cette notion de matière plastique. Néanmoins, c'est l'ancêtre, et cet ancêtre, il va être, bon, ça n'aura pas grande utilisation à l'époque en Europe, ça va être développé par contre aux États-Unis par les frères Hyatt, comme les hôtels, qui à partir de la fin des années 1860 vont utiliser ce nitrate de cellulose pour produire des boules de billard. Bon. Un monde en plastique, alchimie d'une matière. Par Somani Na et Alain Lefkovitch. Ah oui, alors la boule de billard, c'est une histoire assez intéressante. Richard Thomeray, chercheur chimiste chez Solvay. Milieu du 19e siècle, les intellectuels et quelques mondains américains se disent quand même le billard, c'est drôlement chouette, c'était très à la mode. Hein. Après, on a eu le golf, le tennis, etc. Mais là, le billard, c'était... Il fallait jouer au billard. Ils s'aperçoivent qu'en fait, on doit tuer beaucoup d'éléphants parce que c'est de l'ivoire qui est utilisé pour faire ces boules. Et probablement quelqu'un d'un retour de safari, je ne sais pas comment est arrivée l'histoire, mais quelqu'un a décidé de lancer un concours en disant essayons de remplacer l'utilisation de l'ivoire dans les boules de billard. Essayons ça, et c'est un peu un défi. Donc au début, on s'est dit, bon ben, on va le faire en bois, mais le bois c'est trop léger, ça marche pas. On commençait à maîtriser, je dirais, le travail de l'acier, et donc ouais, des pièces qui peuvent être utilisées pour des roulements à billes, etc. Non, mais ça, c'est trop lourd. Et finalement, ce sont ces fameux frères Hayat là qui développent une matière. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils partent d'une matière première naturelle. Alors, vous allez me dire, le pétrole, c'est naturel, mais là, en l'occurrence, ils sont partis de la cellulose. Et puis, ils ont fait une matière qui est un polymère, donc, puisque la cellulose, c'est du coton, ce sont des très longues chaînes. Ils l'ont modifié avec de l'acide nitrique, voilà, ça fait du nitrocellulose. Alors, ça fait penser à des explosifs. Et ils l'ont stabilisé, si ma mémoire est bonne, avec du camphre, etc. Enfin, voilà, ça fait donner l'impression plutôt d'une recette de cuisine hein, que d'une usine. Mais ils ont réussi à faire ces boules avec une certaine homogénéité. Bon, alors, avec de temps en temps des petits soucis, parce que si la réaction a été un peu trop loin, vous vous en apercevez pas toujours, mais quand vous frappez trop fort la boule de billard, elle explose. Donc, il y a quelques dégâts collatéraux dans des clubs de billard. Ça a pas duré très, très longtemps. Mais c'était ça l'idée au départ, très chouette, de se dire, tiens, bah, je vais remplacer l'ivoire des éléphants, et puis eux, ils utilisent du coton. Magique. Mais ces utilisations industrielles, à part les boules de billard et peut-être certains objets, ça reste une matière qui est assez fragile. Enfin, c'est pas une matière qu'on peut utiliser facilement en remplaçant du bois ou du métal. C'est plutôt précieux, c'est en plus d'origine naturelle, donc pas très régulier. Et effectivement, à partir de cette forme d'interdiction qui a été donnée, là, il y a un concours qui a été lancé juste pour les boules de billard. Tout le 19e siècle, donc tout le moment des grandes mutations industrielles, la mise en place de l'industrie, on va dire, on fantasme des matières plastiques. En gros, on cherche des matières qui pourraient servir à tout, qui pourraient avoir aussi plusieurs propriétés. C'est, je pense, une des caractéristiques du plastique encore aujourd'hui, c'est qu'avec une même matière, on peut faire des choses... très légères, des choses lourdes, des choses élastiques, des choses rigides, des choses, voilà. Même s'il y a quantité de plastique différent aujourd'hui. Mais en tout cas, au 19e siècle, plein d'industriels fantasment sur cette possibilité de trouver une matière un peu magique au sens industriel. Et en fait, on a plein de brevets, plein d'expériences faites sur tout le 19e siècle pour essayer de trouver cette matière. Mais on ne parle pas encore de matière plastique, et le mot matière plastique est utilisé, semble-t-il, pour la première fois par un Belge qui s'appelle Léo Hendrik Backlund, qui pour la première fois va inventer ce qui est le premier plastique synthétique, qui est, donc là on est vraiment... Là, on rentre dans l'univers du plastique, c'est la bakélite. Et la bakélite, alors, les jeunes auditeurs de France Culture ne savent pas ce que c'est, mais nous avons tous fréquenté de la bakélite, du moins la génération, c'était le machin noir dans lequel étaient faits les téléphones à l'époque du 22 à Asnières, etc. Léo Backlund, qui était belge. Alors sa première usine, il démarre sa recherche en Belgique, première usine en Allemagne et puis après aux États-Unis, ça devient quelque chose de très mondial. Et cette bakélite-là, elle a une caractéristique tout à fait particulière, c'est qu'elle est très isolante, comme la plupart des matières plastiques, mais comme 1909, il la met au point et il l'industrialise, parce que c'est ça en fait la grosse différence avec toutes les initiatives qu'il y avait auparavant. Cette industrialisation va s'accompagner de l'électrification des villes. En fait, l'électricité arrive dans toutes les grandes villes occidentales. Du coup, il faut trouver quelque chose qui soit pas forcément le joli interrupteur en faïence qui coûte une fortune. Et là, ben oui, c'est facile à mouler. On va le faire en bakélite, l'interrupteur. Les cendriers, à l'époque, quand on avait encore le droit de fumer, étaient faits en bakélite parce que cette matière, c'est un thermodurcissable. Une fois qu'on lui a donné la forme, on peut plus lui faire changer. Contrairement à d'autres matières thermoplastiques où lorsqu'on les chauffe, thermoplastique, elles se déforment. Bakélite, pas du tout. Donc, vous pouvez facilement faire un cendrier avec ça, très facile. Et effectivement, ça, c'est une partie de l'épopée belge. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas cocorico, on dit quoi? Oh, si, sûrement, hein, mais cocorico, peut-être avec un accent. Eh bien, aujourd'hui, la chimie tire du charbon et du pétrole une gamme de produits relativement simples, mais qui sont abordables et bon marché, et d'où l'industrie s'est tirée alors des produits limités. Il est né, il s'est développé considérablement une chimie de l'acétylène, une chimie de l'éthylène. Eh bien, je veux considérer surtout les applications que connaît le grand public, les résultats que l'on peut trouver constamment dans les applications pratiques. Je considérerai seulement deux secteurs de ces applications, celui des matières du caoutchouc et des matières plastiques, oui. Et d'autre part, celui des produits utiles à la médecine pour passer la parole au docteur Valérie Rado. Mais pourquoi on fantasme cette matière? Pourquoi on se dit, tiens, il faudrait une matière qui puisse nous permettre de fabriquer tout? Un des exemples les plus notoires, peut-être les plus parlants, c'est le caoutchouc, qui d'ailleurs dans l'imaginaire collectif a été très longtemps associé au plastique. Enfin, c'est un peu des mondes, alors que c'est de fait pas la même matière en termes chimiques. Mais en gros, le caoutchouc est utilisé depuis assez longtemps, on l'utilise déjà beaucoup au XVIIIe siècle. Il a juste un problème, c'est qu'il, dès qu'il est froid, il casse, et dès qu'il est chaud, il colle. C'est quand même pas génial dans les usages quotidiens. Et en gros, vers 1840, pour aller vite, Goodyear arrive à vulcaniser le caoutchouc, c'est-à-dire le mélanger à du soufre sous pression pour qu'il devienne la matière qu'on connaît, c'est-à-dire une matière élastique qu'on peut mouler, qui prend à peu près n'importe quelle forme, et autre propriété magique, il peut prendre à peu près n'importe quelle couleur. C'est-à-dire on peut le teindre à peu près avec tout. Donc dès les années 1850, on fantasme complètement le fait de tout produire en caoutchouc. Il y a des sortes d'exaltations industrielles assez drôles où on voit la totalité d'un intérieur fait en caoutchouc, c'est-à-dire les moulures au plafond, les tables, les chaises, les rideaux. Mais c'est ça l'idée. C'est l'idée qu'une même matière puisse être très élastique, très dure, selon ce qu'on met comme carbone à l'intérieur, selon voilà. Et de fait, en fait, ça va être appliqué notamment aux vêtements, le caoutchouc. Et ce sera mis en œuvre, notamment sur les chaussures. Là, d'un coup, c'est l'idée qu'on puisse mouler en une seule matière la semelle, le dessus de la chaussure. On n'ait plus besoin d'un système de lacets, etc., puisque c'est élastique. Et qu'en plus, on peut être assez approximatif sur les tailles. Ça s'adaptera aux pieds, puisque c'est élastique. Donc, c'est cette idée-là aussi de pouvoir produire des objets qui vont s'adapter comme ça, un peu à toutes les situations. Et puis le caoutchouc est imperméable, très résistant, je l'ai dit tout à l'heure, peut se teinter avec à peu près toutes les couleurs. Bon, finalement, on va assez peu produire de tables, de chaises, de gros mobilier en caoutchouc. Pour des questions de poids, de solidité, et puis sans doute de dignité, peut-être qu'il faudra y revenir, les meubles. C'est du patrimoine, et le patrimoine s'est fait dans des matières dignes. Et puis l'autre chose qui va disqualifier en quelque sorte la matière, c'est aussi toute la dimension sexuelle du caoutchouc. C'est-à-dire que très vite, ça devient aussi une matière du sexe, parce qu'on se met à produire dans les années 1870, notamment en France, des préservatifs en caoutchouc, tout un tas d'objets excitants en caoutchouc. Il y a une petite industrie qui se développe. Et puis c'est lié à des vêtements qui moulent le corps. Donc ça devient soit une matière paysanne liée à la terre, soit une matière liée au sexe. Donc elle disparaît un peu des intérieurs bourgeois, elle disparaît du vestiaire bourgeois. Et on revient à des vêtements dans des matières nobles, c'est-à-dire en gros validées par le temps, quoi, validées par l'histoire. Quoi. J'ai une petite gosse extra, elle est fendue à Berca. Élastique, vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Brusquement, au plumard, elle fait le grand écart. Elle se met en brille, à bouffer la chenille. Tout à coup, les jambes à son cou. Elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. La môme caoutchouc, avec elle, ce qu'on peut faire, oh c'est fou. Elle vous prend et toc et toc. On n'est plus qu'une loque. Oh, c'est pas du toc. Elle vous dit ce que l'amour me caoutchouc. C'est un lot, c'est un drôle de petit bout. On la cherche en dessus et on la trouve en dessous. Alors au début on va avoir plein de petits bibelots décoratifs en caoutchouc, des sculptures, vous pouvez acheter des 1855 par là, pas très loin d'ici dans le sentier, au cœur de Paris, vous avez des fabricants de Vénus de Milo en caoutchouc, voilà, donc il y a une phase où en gros le caoutchouc est digne, parce que c'est une matière nouvelle, donc elle a l'attractivité de la nouveauté. Donc on fait des cadres, on fait des petites sculptures, tout un tas de bibelots. Et on fait aussi beaucoup de vêtements, notamment près du corps, notamment tous les systèmes en tissueur. Je vais rentrer dans les choses un peu moins dignes. Donc il y a quand même une phase où le caoutchouc a une bonne image. En Normandie, fin des années 50, les magazines de mode décrivent de grandes bourgeoises parisiennes sur la plage... habillé en robe de la tête aux pieds de caoutchouc imprimé ou teinté dans la masse avec des carreaux, des motifs. L'Allemagne s'était mise avant la guerre à la tête de l'industrie du caoutchouc synthétique. La Buna avait d'emblée fait concurrence aux produits de l'EVA, non par la quantité produite, mais par la qualité du produit. Tous les spécialistes disent en effet que la Buna est plus résistante que le caoutchouc naturel, mais aussi à quel prix la produit-on ? Donc ça devient une matière assez courante, qui a un gros défaut, et c'est pour ça qu'on peut la considérer comme une matière plastique, c'est qu'elle se répare très mal, enfin qu'elle se rebricole difficilement, voilà, une fois qu'une botte est déchirée ou coupée, ou c'est très compliqué de la recycler. Mais on a tout un monde d'objets comme ça qui rentrent dans le quotidien, y compris dans le quotidien populaire, dans le quotidien paysan. On a des bassines, tout ce qui est lié à la toilette, on a des pots de caoutchouc dans le vêtement, et des patins sous les meubles, des butoirs, des... Donc voilà, le grand rêve, en gros, de la matière qui permet de tout faire, parce que c'était ça l'idée, vraiment, c'était, en gros, selon le taux de carbone qu'on met, la vulcanisation, on aura une matière très dure ou une matière très élastique, ce qui est vrai, hein, mais voilà, on abandonne un peu quand même l'idée d'une matière qui ferait tout, mais de fait, ça rentre complètement dans le quotidien, ça devient une matière vulgaire au sens extrêmement diffusé. En 20 ans, les caoutchoucs synthétiques ont envahi le monde. On peut donc croire les chimistes lorsqu'ils nous assurent que les nouveaux produits de synthèse qu'ils préparent aujourd'hui bouleverseront bientôt notre façon de vivre. C'est quand même souvent des matières de substitution et d'imitation avant tout. Et si on prend par exemple la soie artificielle fin de siècle, inventée à la fin du siècle, toujours à base de cellulose d'ailleurs, enfin c'est vraiment les mêmes logiques, on arrive juste à filer, à la mettre en fil. C'est cette idée d'imiter au mieux le toucher de la soie. Enfin, c'est toujours cette logique de substitution. Voilà, le celluloïde remplace l'ivoire, la soie artificielle remplace la soie. On est quand même souvent dans une logique où on reprend les formes du passé, parce que notre imaginaire est habité par des matières, des usages. Là, nous avons eu un exemple remarquable. Ces jeunes femmes sont habillées des pieds à la tête en produits synthétiques. Depuis 20 ans seulement, on connaît ces matières synthétiques. On connaissait les textiles et qui pouvaient aussi bien abriter du froid que du chaud ou pouvoir servir dans l'eau. Et maintenant, on fait aussi des cuirs synthétiques qui ont toutes les propriétés du cuir. C'est vraiment de l'alchimie, vous savez, maintenant. C'est plus de la chimie, c'est de l'alchimie. Mais pourquoi l'alchimie ? Eh bien, vous savez, les alchimistes au Moyen-Âge voulaient contrôler totalement la nature. Ils voulaient faire de main d'homme les produits les plus divers. Et actuellement, les chimistes, ces jongleurs d'atomes, arrivent à faire absolument à volonté des produits résistants à l'eau, à la chaleur. Et c'est ce que nous allons voir. Alors c'est vrai, les chimistes que vous incarnez, c'est des gens doux et humanistes. Il fallait reconstruire dans la douceur cette Europe avec du plastique. Ils sont tous comme ça, très très doux. le propre de cette famille de produits, parce qu'on dit en général le plastique, mais en fait ce sont les plastiques, on en a plein, peut-être autant qu'il y a de fruits, hein, donc une grande famille très diverse, avec un point qui est, on va dire, commun à toutes, c'est qu'en fait leur squelette, donc la base de toutes ces matières, c'est du carbone. Et qui est en fait l'élément constitutif essentiellement aussi de notre corps. Hein, toutes les petites molécules qu'on peut avoir dans nos cellules, nos cheveux, etc., notre estomac, c'est du carbone. Et toute la magie du chimiste a été, depuis à peu près 150 ans, le milieu du 19e siècle jusqu'à encore aujourd'hui, d'arriver à transformer des petites molécules à base justement de carbone qu'on trouve dans la nature, hein, d'ailleurs, hein, et d'arriver à en faire toute une gamme, tout un grand portefeuille de différentes matières plastiques qui effectivement peuvent avoir une grande souplesse, un peu comme le fauteuil sur lequel on s'assied quand on rentre chez soi ou dans sa voiture, jusqu'à la rigidité d'une aile d'avion en composite renforcé de fibres de carbone. Donc cette grande latitude-là, elle est possible grâce à la maîtrise qu'ont ces chimistes de la, je dirais, de la complexité de cette chimie du carbone qui est finalement la chimie à l'origine de la vie, hein. Alors, le plastique... Catherine Malabou, philosophe. Disons que si on entend par plastique la matière plastique, c'est pas ça mon objet. Ce qui est mon objet, c'est l'origine du plastique, qui est la plasticité. Donc la plasticité, c'est un terme qui entre dans la langue, dans les langues européennes au XIXe siècle, qui a été inventé, on dit, par Goethe. Et ça signifiait... à l'époque, la souplesse, la capacité d'adaptation, la capacité à être éduqué et surtout à se transformer. Voilà. Alors, plasticité lui-même, mot venant de plastikai en grec, qui était la sculpture, l'activité sculptrice, c'est-à-dire on donne forme à une matière. Et Goethe, par comparaison, dit bah, l'éducation donne forme aux individus, hein, aux esprits, etc. Et la matière plastique, elle a tiré son nom précisément de sa capacité à être informée. Donc il y a toute une généalogie qui va reposer sur l'idée de la transformation au double sens de recevoir la forme, comme la terre glaise est dite plastique, et de la donner, comme l'artiste plastique ou la chirurgie plastique. Donc c'est ce double jeu de recevoir et donner la forme qui a donné au plastique son nom de plastique, puisque les premiers plastiques, en fait, proviennent de polymères chimiques qui donnent une matière qu'on peut mouler, qui au départ est souple comme l'argile, et une fois formé, qui est comme la sculpture, c'est-à-dire qu'il ne se déforme plus. Donc en fait, le nom plastique a une longue, longue, longue mémoire. Ça n'a pas du tout été inventé au XXe siècle. Ces produits-là n'ont pas été découverts avec un processus un peu essai-erreur dans un laboratoire, hein, au fin fond d'un garage. En fait, là, on parle vraiment d'une révolution industrielle au milieu du XXe siècle où les procédés qui ont été mis en œuvre étaient des procédés industriels. C'est-à-dire que on a réfléchi au rendement de la réaction, on a réfléchi à quelle utilisation on pouvait faire des sous-produits ou pas, etc., etc. Donc c'est le milieu, vraiment, c'est les années entre 40 et 50 où on est passé, alors même juste après la guerre, on est passé à des échelles industrielles où on s'est dit, là oui, effectivement, on peut les fabriquer en grande quantité. Et on peut comparer ça avec, par exemple, l'utilisation du caoutchouc pour le pneu au début du XXe siècle, avec l'avènement de l'automobile. C'est clair que les Ford, Mercedes, etc., ils ont dit, moi je veux du caoutchouc, dès qu'ils ont compris que ça marchait. Et ça a nécessité des fabrications industrielles. Et donc l'essor, finalement, des matières plastiques et leur démocratisation est venu par le levier de la production. On s'est mis à en fabriquer, à avoir des capacités de production qui étaient importantes. Ça, c'est un premier point. Donc la matière est disponible. Aronde, séduction. Ligne, aronde. Merveille faite de mille détails que le regard cherche et découvre. Aronde, perfection. Cette année, chez Simca, les coloris sont plus chauds et la ligne se portera plus basse. Ainsi est née la surbaissée 55. Ligne encore plus jolie. Tenue de route absolument sensationnelle. La Surbe C55 épouse exactement et d'elle-même la ligne idéale d'un virage. Bravo, Laro ! Donc, on est dans un univers qui va ensuite se développer lentement avec un certain nombre d'inventions dans l'entre-deux-guerres ou avant. C'est la cellophane en 1913, le polychlorure de vinyle, nous sommes en 1927, le polystyrène et le nylon. Alors là, là, on rentre vraiment dans des mots et dans des termes que l'on connaît. Le nylon inventé en 1938, le polyéthylène en 1942. Et c'est là que, finalement, on va avoir, je dirais, le développement de l'univers des plastiques. C'est à ce sujet que Roland Barthes, lorsqu'il était fasciné aussi par ces noms, le polystyrène, le polyéthylène, etc. Et alors il écrit... La mode du plastique accuse une évolution dans le mythe du simili. On sait que le simili est un usage historiquement bourgeois. Les premiers postiches vestimentaires datent de l'avènement du capitalisme. Mais jusqu'à présent, le simili a toujours marqué de la prétention. Il faisait partie d'un monde du paraître, non de l'usage. Il visait à reproduire à moindre frais les substances les plus rares, le diamant, la soie, la plume, la fourrure, l'argent, toute la brillance luxueuse du monde. Et donc c'est ce croisement pour moi entre l'usage et les fonctionnalités qu'apportent les matières plastiques, et puis, je dirais, nos acquis culturels qui nous poussent à forcer l'entrée des matières plastiques dans des espaces où on ne les attendait pas. La salle de bain, on trouve des matières plastiques qui ressemblent à du marbre. Mes fenêtres, elles vont ressembler à du bois. Mon revêtement de sol, je n'ai pas les moyens de me payer un parquet en chêne. Je vais m'offrir du vinyle, etc. etc. Et pareil pour mon pommeau de douche qui pèserait, je dis, 2 kilos, mais je ne dois pas être très loin. Je vais le faire en plastique, il sera métallisé, ça a l'air chic parce que c'est métallique, mais en fait c'est du plastique. Et donc c'est ce croisement-là qui fait que finalement les designers et les fabricants de matières plastiques ont dit « Bon ok, ils veulent du bois, bon, on va leur faire. Hein. » Il y avait un texte de Roland Barthes dans les mythologies qui s'appelle « Le plastique ». Et qui disait, très justement, notre époque est en train d'être plastifiée, c'est-à-dire que le plastique, à une certaine époque, c'est-à-dire les matières plastiques, quoi, sont en train de nous envahir et de, il dit, remplacer le monde. Et c'est vrai qu'on a eu, à partir des années 40 à peu près, hein, on a eu ce fantasme que le plastique pouvait tout remplacer. Les objets en plastique, les meubles en plastique, etc., etc. Donc cette idéologie du remplacement dans laquelle on est encore, c'est-à-dire la prothèse, on peut substituer aux matières naturelles des matières artificielles. C'était quoi le ressort de ce grand remplacement, si j'ose dire ? C'était l'après-guerre. C'était la prospérité, enfin c'était le désir de retrouver la prospérité après-guerre, très clairement. Le grand essor du plastique, ça a commencé aux États-Unis, hein, c'était le retour à la prospérité. Et la montée de la classe moyenne, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que le plastique aussi, ça c'est très important de le dire, signifiait une matière à bas coût. Hein. C'était une matière de remplacement qui coûtait rien. C'est moins cher que le verre, c'était moins cher que le bois. Donc c'était la prospérité et l'avènement de la classe moyenne, enfin, et le post-fordisme, enfin le capitalisme plutôt fordien, fordiste. Non loin de Bergerac, le périgourdin Robert Lacoste, quittant pour un jour les soucis de son ministère algérien, est venu inaugurer l'usine de Couze, spécialisée dans la fabrication des stratifiés plastiques, matériaux auxquels la vie moderne ouvre le domaine le plus étendu. Cette usine de Couze n'a rien à envier aux installations américaines. Sa presse la plus importante d'Europe supporte une pression de 4000 tonnes, soit le poids de 40 locomotives. Couze est aussi la réussite d'une décentralisation. Hier, productrice de Tana, la voici devenue l'une des plus importantes usines de stratifiés du monde. Mais oui, le tournant, c'est en gros la Seconde Guerre mondiale et les années qui suivent, avec le développement de tout un tas de matières, là encore, de substitution, et puis qui vont complètement accompagner la naissance de ce qu'on a appelé la société de consommation dans les années 60. Là, je pense que tout tout le monde dans son imaginaire à ça, c'est-à-dire ce monde peuplé de plastique. Mon fils a des dons véritables pour faire une palette de sa table sous l'œil attendri de mon mari qui dit je vais chercher mes outils. Voilà outils, voilà outils. Armé d'une scie d'un pot de colle, il découpe pots et pignoles, un beau panneau de revêtement en 2 temps et 3 mouvements. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. C'est formidable, c'est formidable. Et puis c'est aussi le moment où le plastique atteint un certain niveau de noblesse au travers du mobilier. Vous avez toute une période de mobilier des années 50-60 en plastique, et même, me semble-t-il, dans l'univers de la mode, des gens comme Courrèges, comme Paco Rabanne vont utiliser le plastique dans les vêtements féminins. Pour quelles raisons se trouvent aujourd'hui réunis le représentant du maire de Bordeaux, M. Goussebert, celui de la Chambre de commerce, M. Belli, diverses personnalités du monde industriel et commercial de la région? C'est pour l'inauguration d'un nouvel atelier à la Société des produits chimiques de Bordeaux, rue Joseph Brunet à Bacalan. Pour redonner vie à cette usine, une fabrication nouvelle a été décidée. Le 15 juillet dernier, les bâtiments ont été aménagés, équipés, et en janvier, la fabrication commençait. Il s'agit de la fabrication de plastique en chlorure de polyvinyle. L'originalité de l'usine, c'est qu'elle fabrique elle-même ses compounds qui lui permettent de réaliser ses profils. En 1963, sortiront de cette usine 200 000 cadres pour armoires frigorifiques, 12 millions de bourres de mine et 1 millier de kilomètres de profilés de formes diverses. 300 à 400 ouvrières trouveront ici un emploi. Mais dans les années 50, même dans les années 70, je vous disais, en 70, on est à 25 millions de tonnes, la production est alors extrêmement concentrée sur les seuls pays développés, sur les pays d'ailleurs qui avaient traditionnellement une forte base de chimie. Sur 25 millions de tonnes, il y en a 8 millions de tonnes aux États-Unis. Et le plastique fait partie de l'American Way of Life. Je remarquais Tupperware, par exemple. 4 millions de tonnes en Allemagne et au Japon. La production française, à l'époque, était de l'ordre d'un peu plus d'un million de tonnes, comme au Royaume-Uni et en Italie. L'Allemagne avait un ministre des Affaires étrangères, Willy Brandt, dont les regards se tournaient vers l'Est. L'Italie était accaparée par ses grèves et ses crises politiques. La France, elle, défendait farouchement sa souveraineté nationale. Et pourtant, quel progrès matériel! L'Europe des six était devenue la première puissance commerciale du monde. Elle commençait même à inquiéter les États-Unis. Elle se prenait pour une nouvelle Amérique. Nous étions définitivement entrés dans l'âge de l'abondance et de la consommation. Alors là, on peut dire bienvenue, parce qu'on vient d'entrer dans l'exposition qui présente une partie de la collection du FRAC. Gilles Rion, coordinateur artistique général au Fonds régional d'art contemporain Centre-Val de Loire. C'est une exposition qui s'intitule Atlas des Utopies et qui entre en dialogue et en résonance avec l'exposition temporaire actuelle consacrée au groupe italien Superstudio. Et l'idée de cette exposition, c'est non pas uniquement de présenter des architectes expérimentaux, parce que c'est le cœur de notre collection, donc on pourrait présenter les 22 000 heures de la collection, mais plutôt de montrer comment se déploie à partir du milieu des années 50 et jusque dans les années 80, et jusqu'à aujourd'hui, mais ici on était jusqu'au milieu des années 80, une sorte de tendance alternative dans l'architecture, où plutôt que de concevoir du projet habité, on va plutôt, au travers de l'architecture, porter un discours sur la société de l'époque et avoir une sorte de perspective critique. On entre d'abord dans une partie qui concerne la ville et les recherches à l'époque sur les villes, pour répondre notamment au problème du logement de l'époque et à la surpopulation qui s'annonce et au manque de terres constructibles. Et comment, à l'époque, on va essayer d'inventer de nouveaux modèles de ville pour pouvoir déployer de l'habitat à peu près partout sur cette planète. Sans doute y a-t-il plus de jeunes à Paris qu'autrefois. Ils forment un monde, particulier qui vit en marge du monde que nous connaissons, composé, comme chacun sait, de croulants et d'amortis. monde particulier qui a son style et ses modes. Ciré et bas noirs sont de règle pour une fille, et talons hauts. Qui danse aujourd'hui en ballerine? Pas de gants, vestige d'antique tradition. Beaucoup de daims et de cuir en veste et en blouson. Les jupes exigent beaucoup de métrage en ampleur, mais peu en hauteur. Les rides font peu état des promenades sentimentales, remplacées par les rendez-vous aux terrasses des cafés. On boit peu d'ailleurs, mais on s'agite beaucoup. Une règle impérieuse gouverne la chevelure. Le désordre est le fin du fin, pour l'un comme pour l'autre. Pas de chapeau, bien sûr, mais le foulard des belles négligences. Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules. De là la fortune des jukebox qui débitent en tranches du rock'n'roll à volonté. On est au musée Adam, Art Design Atomium Museum. Philippe Dessel, collectionneur. Et la période principale de l'exposition pour les objets en plastique vont de 1957 à 1973 et donc couvre une période de, on pourrait dire, de bonheur consumériste parce qu'à l'époque ce n'était pas avant la mondialisation. Moi, quand j'étais gosse, les différences de salaire allaient de 1 à 12 et pas dans la proportion où ils sont aujourd'hui. Et le plastique était une forme de créativité, de reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça permettait d'avoir toute une série de solutions et surtout une créativité absolument débridée. En 1958, dans le champ du styrène, Alain René célèbre les qualités du pétrole, incarnation d'un liquide magique permettant une production sans limite. Chloé Pithiot, conservatrice au Musée des Arts Décoratifs, spécialisée dans les arts décoratifs et le design du XXe siècle. À cette époque, l'industrie du meuble s'empare de ses dérivés plastiques comme l'ABS, acrylonitrile butadiène styrène, le polyéthylène, et autres résines thermoplastiques, solides et légers, attrayants par leur faible coût et se prêtant facilement à un traitement en couleur. Bon marché, ils nécessitent néanmoins la fabrication de moules coûteux et ne deviennent rentables qu'à une échelle industrielle. C'est alors le début d'une production de multitudes de produits, du mobilier aux ustensiles de cuisine, en passant par la voiture comme la célèbre Méhari. Joey Colombo, 40 ans, milanais. Dans cette mecque du design et Milan, Joey Colombo passe pour le prophète. Architecte de formation, il commence par dessiner une lampe, un fauteuil, des chaises. Puis sa vision s'élargit, il tente de concevoir l'habitat de demain. Ce dessin, il est né à travers des recherches préliminaires, des recherches ergonomiques, des recherches technologiques, etc. La forme de ce produit, il est conditionné sur la résolution de tous les problèmes. Alors ici, c'est une chaise en plastique empilable parce que le problème, c'est que les gens doivent avoir des espaces de plus en plus simples et petits vu le coût des constructions. Et donc, il faut pouvoir les ranger. S'il y a moins de personnes qui vivent, on prend ça pour des réceptions, etc. Quand on fait un petit dîner à la maison, pouf, on ressort les chaises et on les désempile. C'est la première que j'ai trouvée dans des grandes poubelles dans une rue au sud de Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience. Mais si les gens commencent à jeter des pièces qui sont faits par des grands designers, il est temps de sauver cette mémoire, sinon au bout d'un moment, ben, il restera plus loin. Mais alors pourquoi le plastique? Parce qu'il y a plein d'autres objets qu'on trouve sur les trottoirs de Bruxelles, j'imagine, faits par des grands designers et qui ne sont pas en plastique. C'est vrai, mais le déclic chez moi s'est fait sur cette matière parce que j'aimais bien ça, parce que c'était en rupture totale avec l'intérieur de mes parents qui étaient en pseudo-Louis XV régence, un peu ennuyeux, un peu gris, comme tout ce qui se passait après la Deuxième Guerre mondiale. Et une fois que j'ai terminé ma jeunesse, je voulais quelque chose de plus coloré, plus joyeux et correspondant à l'esprit du temps. Le même siège qu'on a là devant nous, s'il était en métal, il serait 3 fois plus lourd. Si c'était en aluminium, hein, il serait 6 fois plus lourd s'il était en acier. On pourrait pas bouger la chaise pratiquement. Et donc cette liberté donnée au designer, offerte au designer grâce à cette espèce de modularité des matières plastiques, c'est ça qui va faire que ça va exploser. Là ici dans les mobiliers de firmes italiennes, comme disait Philippe Dessel, on a d'autres matières et d'autres procédés de mise en œuvre. En fait, les objets sont grands. On va s'asseoir dessus. Donc ça nécessite de répondre à des contraintes mécaniques qui sont importantes. Et donc on change de gamme de matériaux. Ici, on est obligé d'utiliser des renforts, on est obligé d'utiliser de la fibre de verre. Et là, elle est associée à du polyester. Et donc ces deux matériaux, donc la matrice polymérique et du polyester, on vient utiliser cette matière-là pour enduire des fibres de verre, donc sous forme de tissu ou de ce qu'on appelle un mat, quoi, un genre de tissu. On la laisse prendre et puis donc il y a après un objet qui ne peut plus fondre, hein, et avec des propriétés qui sont assez exceptionnelles. C'est la même technologie qui est utilisée pour faire des petits bateaux à voile, par exemple, hein, pour faire de la voile, et qui alors ça se répare aussi très très facilement. J'ai envie de dire, l'inconvénient, c'est que si on regarde bien ce siège-là, là-bas, la partie qui est cachée, finalement, ou le dessous, ben, on l'a pas trop travaillé, on l'a pas poncé, on l'a juste un peu peint, comme ça. En revanche, la face sur laquelle on va s'asseoir, elle a été poncée, vernie, et là, on a un aspect de surface magnifique. On s'assied dans quelque chose qui est très royal, brillant, magnifique. Alors, après le design rationnel des grandes firmes italiennes, on va passer vers des créativités plus ciblées et tout à fait étonnantes, comme par exemple ce siège en forme de pied. On pourrait dire que c'est un récamier, mais c'est vraiment un pied recouvert de vinyle blanc. Et à l'intérieur, il y a de la mousse de polyuréthane, et c'est tout à fait confortable, et c'est un meuble sculpture. C'est maintenant assez recherché, c'était fait dans des séries relativement confidentielles. À côté, on a le siège zombie du designer Talon, qui, je vous le rappelle, est le designer du TGV au départ, et cette pièce est complètement exceptionnelle. Et j'ai pris dans celui qui a pu me la dénicher à Paris, celui qui était dans le meilleur état de conservation. Et à côté, Mouvement de libération de la femme, le siège homme, qui est une sculpture faite pour montrer qu'on peut s'asseoir dessus. C'est tout à fait confortable, mais c'est parfaitement pop. Donc c'est un homme nu, sans tête, en forme de siège. Exactement. On dit que le plastique aurait libéré la femme, justement, en lui permettant d'accéder à des objets électroménagers plus facilement portables, utilisables. C'est vrai que quand on voit les publicités des années 70, elles sont souvent, les dames, mises à côté d'objets comme ça, une machine à laver formidable. La caisse est toujours en métal, mais il y a beaucoup de parties en matière plastique. Et puis l'aspirateur dans les années, on va dire, première partie du XXe siècle, il est en métal. Deuxième partie du XXe siècle, il est en matière plastique. Et si vous regardez des marques très connues, il est même portable avec une batterie, il est transparent, on voit les poussières à l'intérieur, etc. Et effectivement, c'est cette volonté de vouloir libérer du temps à cette femme qui se met à travailler. Les objets doivent être faciles à utiliser, sinon elle les utilisera pas. Donc c'était un combat un peu pour finalement chercher à ce que la femme soit peut-être un promoteur ou en tout cas porte-drapeau pour le plastique sans le savoir, mais de chercher à avoir des objets qui soient faciles à utiliser. Oublie la servitude d'être femme au foyer. Un métier bien payé, sans spéciales études. Ce mouvement donné par les designers vient aussi avec l'amélioration de l'habitat, avec l'introduction d'un réfrigérateur, avec toutes ces publicités où on met la femme d'ailleurs au premier plan en disant qu'on va lui faciliter la vie, si elle savait. Et ces objets-là, finalement, apportent des fonctionnalités, un mixeur, un sèche-cheveux, un toaster, un aspirateur qui n'existait pas, soit était fait avec des objets qui avaient vraiment un look industriel. La mode est liberté, et le créateur de mode peut, je crois, tout faire, toutes les libertés, tous les pouvoirs. S'il ne ridiculise pas la femme, je la mets en valeur, Il a le droit. Si c'est la mode comme ça, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison que moi, je ne porte pas du plastique. J'aime le plastique, vive le plastique. Alors, on a une section consacrée, dédiée à prise unique au niveau 3 du musée. Et on s'aperçoit que dans cette section prise unique, il y avait énormément de plastique. Donc, on vantait les mérites d'un lit de Marc Held, en plastique notamment, et qui était totalement révolutionnaire à l'époque parce que extrêmement léger, très simple à emporter chez soi, très résistant. Et c'est vrai qu'il y a des qualités qu'on ne peut pas nier du plastique qui sont très confortables au quotidien pour l'usager. On avait même des soupules qui étaient faites pour les enfants à partir de ces matières plastiques. Et puis toute la vaisselle qu'on va retrouver chez Prise Unique, les sets de pique-nique, les tasses, les assiettes, tous les mélaminés. Et puis il y a eu un petit peu avant aussi, on avait tout ce mobilier en formica. Donc toute cette matière qu'on trouve sur les fameuses tables en formica était faite à partir de ce plastique. Alors maintenant, nous arrivons dans la section des meubles gonflables. Alors évidemment, il fallait pas avec un bracelet ou un haut talon blesser le meuble. Là, c'était vraiment le meuble de consommation, c'est-à-dire on pouvait l'acheter à un prix ridicule, mais ça ne durait pas fort longtemps. Là, malheureusement, c'était au bout d'un moment jetable et de la difficulté, ça a été de les retrouver, des invendus ou de rustiner pour pouvoir avoir un souvenir de cette créativité de l'époque. L'artiste qui est le plus connu en France s'appelle Cazard et on est en train de lui faire maintenant toute une série d'expositions de reconnaissance du travail qu'il faisait à l'époque. Il avait l'habitude de se balader à Paris dans une voiture cubique en plexiglas et qui roulait dans la ville. C'était assez rigolo. Alors apparaissent des objets de consommation courante dont on voit l'intérieur. C'est important de voir l'intérieur, de comment ça marche. Alors je pense que ça rassure, on comprend ce qu'il y a derrière, même si on n'est pas capable nous-mêmes en tant que consommateurs de le fabriquer. On est rassuré parce qu'on voit la partie technique, c'est très rassurant. En même temps, la transparence, elle a été finalement un des atouts de la matière plastique pour remplacer le verre. Dans les avions, les hublots sont pas en verre, hein, ils sont en PMMA, donc en acrylique très transparent. Aujourd'hui, une bonne partie des phares des voitures ne sont plus en verre, ils sont parce que c'est plus léger, etc. Et si on revient sur ces objets gonflables, où on voit là, donc ce sont des films de PVC. Le PVC est pas très très cher, on le plastifie, il est souple, il se soude très facilement. Et après, on remplit d'air, et c'est très très simple. Donc on a accès à quelque chose qui est finalement un meuble un peu excentrique, un peu génial même. On s'imagine sur ce meuble flottant dans sa piscine à Hollywood ou en Floride. Et il n'est pas très cher. Et la matière première est très accessible. Donc du coup, ça se popularise très facilement. Et c'est ce biais-là aussi qui a servi au plastique à s'imposer, parce qu'en fait, ils sont très accessibles. On peut avoir un fauteuil qui est comme ça, gonflable, que monsieur tout le monde peut acheter. Ça donne l'impression d'un privilège de pouvoir avoir un objet un peu particulier comme ça, et sans que l'investissement financier soit extraordinaire. C'est une manière de vendre une part de rêve. Alors la matière qui fait le plus rêver, c'est la mousse de polyuréthane, dont on a ici toute une série de représentations. Et c'est amusant parce que, quelque part, c'était une première approche écologique, mais à l'envers de ce que l'on ferait aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une villa au bord d'un superbe paysage un peu désertique. Eh bien, je fais des cailloux qui prolongent ce que je vois à l'extérieur, mais en mousse de polyuréthane, alors qu'aujourd'hui, on ferait quelque chose qui est en rupture avec l'extérieur, mais qui serait dans des matériaux écologiques. Ça, c'est assez amusant. Mais par exemple, la table qui est là, il est marqué porphido, c'est-à-dire porphyre, donc c'est du granit. Elle est relativement légère, je peux la porter sur un doigt, on dirait qu'elle a une tonne et demie. Là, ici, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des éléments de décoration qui sont rajoutés et qui font vraiment penser, là, comme on le voit, effectivement, on a l'impression que ce sont des blocs, que ce sont des pierres, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est vraiment une matière qui est extrêmement versatile et qui permet des formes et des touchés qui sont assez exceptionnelles. Les dernières vestes sorties de certains grands designers qui veulent une matière qui soit résistante à l'eau et très très douce et en même temps très fine, un peu comme un veau très très fin, c'est en polyuréthane. Donc matière assez exceptionnelle. Depuis quelque temps, on a assisté à une véritable invasion. À telle enseigne que nos grands-mères, lorsqu'elles se promènent dans une boutique, disent « Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas en matière plastique ?» Oui, qu'est-ce qu'on ne fait pas en plastique ? Le plastique est partout. Avec du plastique, on fait tout. Alors nous, on a fait mieux. On a introduit le plastique au musée. C'est quoi ? C'est la gloire pour le plastique à partir du moment où il fait partie des pièces d'un musée ? Non, mais là encore, je dirais, il y a plastique et plastique. Un des designers de meubles les plus emblématiques de l'époque pompidolienne, Paulin Pompidou, qui était très branché art contemporain, avait meublé l'Élysée de meubles notamment produits par Paulin, qui faisaient une place énorme au plastique. Dans certaines de ses utilisations, le plastique est légitime. Vous êtes ici dans un vieux bâtiment, puisque c'était l'université Paris-Dauphine, c'était le siège de l'OTAN. Donc l'OTAN, ce bâtiment a été construit par des Américains au début des années 50. Question isolation, c'est totalement dramatique. Nous avons de vieilles fenêtres, acier alu, l'air passe de tous côtés, etc. Si on nous changeait nos fenêtres, très probablement aujourd'hui, nous passerions à des fenêtres, non pas en acier alu, peut-être en alu et encore, mais très probablement, vu que l'université n'a pas énormément de moyens, en plastique. Et qui nous donnerait une isolation non seulement phonique mais thermique tout à fait remarquable. Donc le plastique, il est léger. Une voiture aujourd'hui, elle gagne en légèreté, donc en moindre consommation d'essence ou autre, en utilisant du plastique. Dites-moi, monsieur, ça fait combien de cylindres, ça ? Je ne parle ni cylindre ni moteur. Ce sont des mots inutiles puisque vous n'ouvrirez jamais le capot. Je vous en prie, faites-moi plaisir. Parlons confort. Admirez plutôt le fini de cette carrosserie et le soin. La fermeture des portes, monsieur. Les portes se ferment avec un seul doigt, monsieur. Vous fermez la porte. Et la même chose à la porte arrière. Vous allez voir. C'est du plastique, ça. Bon, alors vous avez vu tout ça ? Le plastique, c'est fantastique. C'est une matière tellement, tellement versatile et dont on n'a pas fini de découvrir encore, je dirais, tous les talents, notamment dans des applications où, en fait, on repousse les limites. On envoie des fusées de plus en plus, des petits modules sur Mars. On a des voitures qui deviennent électriques, qu'il va falloir les dessiner autrement. On fait des Formule 1 qu'on ne faisait pas il y a 50 ans. Et des téléphones qui, avec la 5G, nécessitent... c'est plus compliqué que ça d'avoir les bons plastiques. Et en parallèle de ça, dans des applications de masse où finalement on a aujourd'hui un peu de tergiversation entre le choix du bon matériau pour son sac de sortie de caisse ou sa petite touillette dans une cafétéria, là il y a des vraies questions à se poser, aussi bien sur le choix du matériau que sur sa réutilisation, sa collecte, etc. Il y a des efforts à faire entre les différents partenaires pour moi. Mais oui, il est fantastique ce plastique. C'était Un monde en plastique, alchimie d'une matière, avec Manuel Charpie, Chloé Pitiot, Philippe Chalmin, Richard Thomeret, Catherine Malabou et Philippe Decelle. Un monde en plastique, alchimie d'une matière, réalisation Somanina, mixage Cédric Châtelus, archivina Sophie Enoch, coordination Marie-Vanna Bolivier et Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. take a day, walk around, watch the plastics run your town, then go home and check yourself. You think I'm singing about someone else, but you're plastic people. You gotta go, bye bye, bye bye. Plastic people, you gotta go. Chee-papa doodly wapa, chee-papa doodly wapa, chee-papa doodly wapa, chee-papa doodly wapa. This is fun. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter avec une paille en bambou, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Et demain, deuxième épisode, au plastique, le design reconnaissant. Mais pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Plastico de Cicel Morel d'Arguis, un documentaire consacré à deux démarcheurs de Tupperware à Cuba. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission.